tu racontes que tu ne m'aimes pas, que tu entends partout parler de moi, que même si tu me connais pas, dans la vie, ce qu'on t'a dit de moi t'a largement suffi. Et alors ? Et alors ? Ma musique est trop franchouillarde, les fomblards des chansons ringardes, que je suis complètement marginal, et que des fois j'ai les cheveux sales. Et alors ? Tu racontes que je suis soralien, que c'est interdit par TF1, que la mode c'est de voter au NPA, et que moi, d'abord, je vote même pas. Et alors ? Et alors ? Tu racontes que je suis pas un punk, mais un loufoque en slip qui saute partout, que en concert, tu m'as jamais vu, mais qu'à ce qui paraît, je finis tout nu. Et alors ? Et alors ? Moi, j'aime la vie, le soleil et les filles, les poèmes, la sodomie. Si tu m'aimes pas, tant pis.